Je ressens un frisson qui part de la base des vertèbres lombaires et qui remonte au plus haut des cervicales. Monsieur, madame, c'est normal, vous m'aviez consulté pour des primes et idées noires. Je vous ai prescrit 2 heures de British Connection par semaine. Surtout, n'arrêtez pas, le traitement est efficace. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et qui prend soin de vous. Bonjour, je m'appelle Mathieu Davette. Je suis l'auteur de la biographie du groupe Arcade Fire en français. L'idée m'est venue un jour alors que j'attendais dans les bureaux du Castor Astral pour donner un de mes romans en main propre. J'écris des romans et je fais de la musique. Il y avait tous ces livres sur le rock autour de moi. Je suis reparti avec la bio des Pixies et en la lisant, je me suis dit que je connaissais bien et que j'aurais pu l'écrire moi aussi. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire une biographie d'un groupe. Et j'ai tout de suite pensé à Arcade Fire. D'abord parce qu'il n'y avait rien sur eux, et en plus parce que je les avais vus sur scène en 2014 au Zénith de Paris, et ils m'avaient vraiment impressionné. C'était un concert total, plein d'énergie, avec des moments mélancoliques aussi, touchants, un show grandiose, intimiste à la fois, dansant, engagé aussi. Un euro sur chaque billet était redonné à une fondation, ça ils le faisaient depuis 2008. Pour venir en aide aux Haïtiens. Bref, avec ce groupe, je sentais que des tas de portes passionnantes ne demandaient qu'à être ouvertes. J'ai proposé le projet au directeur du Castor Astral et il a tout de suite été intéressé. Finalement, ça ne s'est pas fait avec lui et la bio est sortie aux éditions Le Mot et le Reste. Par contre, ce qui s'est bien confirmé, c'est que la trajectoire de ce groupe était passionnante. Ils ont signé en 2004 sur un petit label indépendant punk américain, Merge, un label créé par le chanteur de Superchunk au début des années 90. Ils resteront fidèles à ce label jusqu'en 2015 pour reprendre ensuite tous leurs droits et créer leur propre maison de disques, refusant les ponts d'or de toutes les majors alors qu'ils avaient gagné le Grammy Award du meilleur album en 2011. Et ça, devant Eminem, Lady Gaga, Katy Perry. Le phénomène avait débuté dès la sortie du premier album en 2004, Funeral. Merge l'avait pressé à 10 000 exemplaires et il était épuisé en une semaine. Autant dire que chez Merge, il ne savait pas du tout comment gérer la situation. Mais ce qui était important pour Arcade Fire, c'était d'avoir une liberté totale de création et il l'avait dans ce label. Alors maintenant, on va écouter un morceau Ready to Start, tiré du troisième album The Suburbs, qui a eu le Grammy Award en 2011. C'est avec ce morceau qu'ils m'ont happé entièrement dans leur concert au Zénith. Et ce morceau commence par cette phrase « Les businessmen boivent mon sang ». Yeah. Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Le groupe Arcade Fire a été monté par Win Butler, un Américain débarqué à Montréal au début des années 2000. Il avait déjà joué sous ce nom-là au lycée quelques années plus tôt. C'est un nom qui lui venait d'une histoire qu'un plus âgé lui avait racontée pour l'effrayer à ses 13 ans. Il aurait mis le feu à une salle d'arcade. Mais le groupe, sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, démarre véritablement avec la rencontre de Win Butler et de Régine Chassagne. Elle étudie le jazz à Montréal. Lui cherche un batteur et arpente toutes les salles de la ville. Il tombe sur elle alors qu'elle fait un concert. Il prend son numéro, mais il devra insister plusieurs fois. Elle est plus âgée que lui et tourne déjà en groupe. Il réussit quand même à l'inviter chez lui pour lui jouer ses morceaux et Régine Chassagne le trouve très déterminé. Ils tombent amoureux et se mettent à composer ensemble. À partir de là, tout va aller très vite. Ils enregistrent leur premier album dans les studios du label Constellation, tout en jouant énormément de concerts, toujours très intenses. Ils se donnent beaucoup sur scène, au point que certains musiciens sortent en sang de certaines dates. Un bouche à oreille se crée autour de leurs prestations. Il y a une anecdote comme ça où ils arrivent pour jouer à Vancouver. C'est le batteur qui conduit le camion et le programmateur leur demande « Ok, mais où sont les musiciens ?» Alors ils répondent « C'est nous ». Et le type est surpris parce que tous les billets sont vendus et il s'attend à voir débarquer un groupe bien, bien plus organisé et connu que ça. David Bowie les voit sur scène à ce moment-là et il écrit sur son site que c'est un groupe à suivre au même titre que TV on the Radio, avant même que Arcade Fire ait sorti un album. Et quand celui-ci sortira, Funeral, Bowie écrira que c'est le meilleur album de l'année. Il en achètera 50 exemplaires pour les offrir à ses amis. Ensuite, il les invite à venir jouer avec lui pour la Fashion Week, leur morceau Wake Up. Un morceau que U2 choisit aussi pour ouvrir sa tournée des stades en 2005, le Vertigo Tour. En fait, U2 a même invité Arcade Fire à faire sa première partie et le groupe décline l'invitation. Nous allons maintenant écouter Wake Up, un morceau tiré donc du premier album d'Arcade Fire, Funeral. Un morceau dont Bono dira qu'il aurait bien aimé l'écrire. Pour la petite histoire, c'est un morceau qui a également servi d'hymne au Super Bowl en 2010. Et Arcade Fire a reversé tous les droits à Haïti pour la reconstruction du pays, pour l'aider, alors qu'il venait de subir un terrible tremblement de terre. Également, quelques années plus tard, c'est un morceau qui sera la bande-son du film Los Angeles 2024. uniquement dans British Connection. À partir de 2015, après 4 albums, les musiciens d'Arcade Fire commencent tous à vouloir faire leur album solo. Car comme le dit Will Butler, le petit frère de Wynn, qui fait aussi partie du groupe, les chansons d'Arcade Fire, c'est quand même Régine et Wynn. Et puis voilà 10 ans que tous ces musiciens vivent sur la route ensemble. Sarah Neufeld, la violoniste, enregistre un puis deux albums. Will Butler, donc, également. Richard Ridpari aussi. Tim Kingsbury, le guitariste, et même le batteur Jérémy Gara. Wynn Butler et Régine Chassagne, quant à eux, s'installent avec leur enfant né en 2013 à la Nouvelle-Orléans. Quand David Bowie meurt en 2016, ils y organisent même une parade funéraire dans les... Quelques mois auparavant, ils ont été invités par Jay-Z à une sorte de G8 de la musique. Il y a là Daft Punk, Jack White, Madonna, Kanye West. Le rapport Jay-Z leur propose de s'associer pour créer une plateforme de streaming de musique plus rémunératrice et égalitaire que Spotify et Deezer pour les musiciens. C'est la naissance de Tidal, qui propose aussi des morceaux moins compressés. À la suite de cette réunion, Wynn et Régine font la connaissance de Daft Punk et ils demandent à Thomas Bangalter de produire leur 5e album en cours de réalisation. Pour l'enregistrer, Wynn Butler acquiert la console analogique qui a servi à enregistrer Harvest de Neil Young dans les années 70. Il construit un petit studio au fond de son jardin, une réplique des studios de la Motown de Détroit, les murs tapissés de bois. Ce qui fera dire à Steve McKay, le bassiste de Pulp qui coproduit l'album, il y avait tellement d'énergie dans le studio qu'on a été obligé de construire une petite pièce supplémentaire pour les instruments acoustiques. Le groupe peinant à finaliser certains morceaux viendra une semaine à Paris en 2016 dans le studio Gang de Daft Punk. Un troisième producteur est même appelé en renfort pour finir les morceaux. Lui aussi musicien star, il s'agit de Geoff Barrow, le leader de Portishead. Quant au visuel de ce qui deviendra Everything Now, Arcade Fire s'associe avec l'artiste français JR dont ils adorent le travail. Et c'est en pleine vallée de la mort que JR installe ses fameux trompe-l'œil pour réaliser la photo de l'album. Parmi les morceaux de ce disque, j'ai choisi d'écouter Put Your Money On Me, une magnifique chanson d'amour qui fait partie des titres finalisés à Paris. Merci à tous. You must be crazy. livre de Mathieu Davet aux éditions Le Mot et le Reste sur Arcade Fire. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie et fin de cette EP de la semaine. Elle s'appelle Château Rouge et le groupe s'appelle Députies. Concrete Jungle, c'est un titre assez marrant parce que justement, on est beaucoup parti de ce titre pour le composer. Je m'explique, on avait une petite maquette sur notre logiciel GarageBand avec Sharif et Thomas qu'on avait baptisé Concrete Jungle et on aimait beaucoup ce nom. On trouvait que ça évoquait à la fois la ville qui nous fascine, qu'on explore, et puis aussi la ville qui nous fatigue parfois, qui est trop grande, qui nous pèse un peu sur les épaules. Et donc, on aimait bien cette idée et à partir de cette toute petite maquette, on a construit le morceau en essayant de décrire cette atmosphère avec des guitares qui reproduisent un peu les bruits de la ville, des percus très syncopés pour le rythme effréné de la ville et puis des voix parfois un peu criées comme on peut l'entendre dans les rues. Et donc voilà, on a essayé de créer ce morceau-là à partir de cette idée. Là, on espère qu'elle vous plaira et puis on espère que vous reconnaîtrez peut-être cette idée de Concrete Jungle. En tout cas, bonne écoute et puis ciao, bye. British Connection. British Connection. British Connection. City, I know you're not so good for me. You're clearly lacking simplicity. I wanna eat but sing in trance. So really missing me. Courte pause les amis, encore on va se retrouver dans un instant pour la deuxième heure de British Connection et ils sont dans les studios de la radio. Je reçois aujourd'hui Popoff, ex 13e section, et son frangin Morty, ex Working Class Heroes et Choléra. On va passer une heure d'enfer et destroy avec eux. Et puis visitez la page Facebook de British Connection car je vous offre vos invitations. Et oui, British Connection est partenaire de nombreux festivals d'été. Je vous offre vos invitations pour le Motocultor Festival. Laissez vos coordonnées en message privé. Il y a également des places pour le festival d'Evro. C'est au mois de juin, fin juin, avec des groupes comme Skip the Use, Superbus, Lily Wooland, Bo Creek ou The Offspring. Il y a plein, plein, plein. Il y a le Guitar Festival aussi. Tiens, je vous offre vos invitations. Et puis au motoculteur, il y a The Hives, The Libertine, enfin des trucs bien destroy aussi. Donc laissez vos messages privés, vos noms, adresses, et puis pour quel festival vous voulez concourir, et puis il y aura un tirage au sort avant la fin de l'émission, et vous recevrez vos invitations. Et puis sur la page Facebook, retrouvez tous les podcasts de la saison. Et cette émission d'aujourd'hui sera disponible dès demain. Allez, à tout de suite, ne quittez pas. We were born in sin, but it lasted a day.